Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 2 février 2017. Et en voici tout de suite les grandes articulations. 8 policiers ont été blessés par leurs collègues la nuit dernière au camp de la police spéciale de roulage à Bujumbura. Les précisions du porte-parole de la police Pierre Ngurikiye, c'est dès le début de ce journal. Une décision de justice remet une orpheline dans ses droits en tranchant pour la reprise d'une propriété qui avait été spoliée par son oncle. Reportage. Et un enseignant du lycée communal de Mouvoné a été arrêté ce lundi sur son lieu de travail après 3 semaines de cachette. Il est poursuivi pour avoir engrossé une élève. Et en actualité africaine, le président zimbabwéen Robert Mugabe n'apprécie pas la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, car à ses yeux, cela dénote le manque d'idéologie de certains leaders du continent. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Rebonsoir. 8 policiers ont été blessés par leur collègue qui, à son tour, a failli se donner la mort en tirant sur lui-même sans succès. C'était à l'aube de ce jeudi au camp de la police de sécurité routière, PCR à Bujumbura. Le porte-parole de la police qui confirmait les faits explique que l'auteur présentait déjà des signes de problème mental. Pierre Ngurikiye ajoute que parmi les 9, 4 sont grièvement blessés. Suivez-les. À 2h du matin, au camp de la police spéciale de roulage de sécurité routière ici à mairie de Bujumbura, un policier appelé Nduimana Samuel s'est réveillé, a pris son arme et s'est dirigé au dortoir de ses collègues. Et puis il a commencé à tirer indistinctement sur ses collègues et en a blessé 8. Après, il a voulu se donner la mort en se tirant dessus, mais il a été simplement blessé. Sur les 9, on a 4 cas qui sont plus ou moins graves, donc des gens dont les os ont été perforé par ces balles. Et l'enquête a commencé et pour pouvoir déterminer les vraies circonstances de cet acte criminel, le policier n'avait pas de conflit avec ses collègues sur qui il a tiré. Seulement, ses collègues ont révélé que ces derniers jours, ils avaient observé un comportement anormal chez ce policier et qui faisait croire à un dérangé mental, mais que les signes n'étaient pas tellement significatifs pour qu'ils puissent en reporter à leur chef hier qui pouvait prendre des mesures conséquentes. Mais tout sera avec l'enquête qui a déjà commencé. Pierre Ngurikiye, c'est le porte-parole de la police qui informe aux candidats agents de la police ayant réussi au récent test de recrutement de rejoindre les centres d'instruction au plus tard dimanche. Et cela ressort d'un communiqué du ministère de la Sécurité publique de ce jeudi. Le porte-parole de la police indique que toutes les doléances soulevées par certains lauréats ont été traitées favorablement par la commission chargée du recrutement. Je venais de vous le dire, la justice a rendu un jugement en faveur d'une orpheline dénommée Rosine qui va reprendre la propriété d'une parcelle située dans le quartier Milango 1 à Kamenge, en mairie de Bujumbura. Cette parcelle avait été spoliée par son oncle. L'exécution du jugement a finalement eu lieu ce jeudi en présence de l'avocat de cet enfant, maître Jean-Bercman Seniungruza. Ce dernier suggère à tous les enfants ayant ce genre de difficultés de se confier à l'ONG locale FVS Ama de Burundi pour qu'elle les aide à retrouver leur bien. C'est un reportage de Didier Nyonzima. Uyu munsi sentare iramushikirije icese uru rupangu rwose aho iparcela ica. Celui-ci est le président du tribunal de résidence de Kamenge qui est en train d'exécuter le jugement qui permet à l'orpheline Rosine à reprendre la propriété de la parcelle spoliée par son oncle. Pour cet enfant, c'est un sentiment de joie immense qu'elle éprouve après presque 7 ans de calvaire. Je suis contente et je remercie ceux qui m'ont aidé, le tribunal de résidence de Kamenge et l'organisation FVS Ahmad. J'ai fait face à beaucoup de problèmes jusqu'à ce qu'il m'a été impossible de poursuivre les études. Maître Jaberkman, Seigneur Yunguruza, qui défend les orphelins pour le compte de l'organisation FV Samad et qui a assuré la défense de Rosine, éprouve un sentiment de gratitude à l'égard de la justice pour son jugement équitable et lance un appel à d'autres orphelins qui seraient dans la même situation de s'adresser aux organisations qui peuvent les aider. C'est un sentiment de satisfaction dès lors que le dossier qui avait commencé en 2010 vient de passer à peu près 7 ans pour les enfants qui sont dans la même situation, des orphelins dont leurs biens sont spoliés. Je leur dirai de s'adresser à des les acteurs de protection des enfants et les organisations qui défendent les droits des enfants, à l'instar de FVS et autres, pour que en fait ces organisations puissent intervenir pour défendre les intérêts de ces enfants. Ce jugement qui rétablit l'orpheline dans ses droits a été exécuté après un procès qui a duré presque 7 ans. Merci Didier. La Soge Paye, une des organisations œuvrant dans le domaine de défense des droits des enfants, fait savoir qu'il y a pas mal de cas de spoliation des biens des orphelins. Le porte-parole de la Soge Paye indique que cette spoliation est souvent l'œuvre des familles et des orphelins. Il interpelle les intervenants dans ce domaine de s'impliquer pour défendre les droits de ces enfants orphelins. Suivez David Ningans. Ce sont des constats qui sont d'ici et là et d'ailleurs dans tout le pays. Nous aussi, nous avons des cas que nous sommes en train de défendre. Il y a des dossiers en cours d'instruction, à d'autres qui sont entre les différentes juridictions. C'est-à-dire que son fléau existe, quand les parents sont décédés, il y a des membres proches de famille, même des membres de famille élargie, qui s'arrogent le droit de s'approprier des biens des parents de ses enfants. Donc, ce que nous appelons spoliation des biens. Donc, je pense que ici, c'est la famille qui n'est pas vigilante. Sinon, c'est le conseil de famille qui décide si l'avenir des enfants qui deviennent orphelins. C'est le conseil de famille qui va assurer la garde des enfants et d'autres familles suivent de près l'utilisation, l'affectation des biens de la famille. Et d'ailleurs, il y a des familles qui se fixent des rendez-vous pour voir comment ils fassent le contrôle et le suivi. Ici, j'en profite pour demander aux administratifs, aux CPE aussi, surtout qui s'occupent de la protection des enfants collinaires, de suivre de près les orphelins ou qui sont gardés par les membres de la famille. Je fais un clin d'œil aussi au niveau du ministère de la Solidarité, au niveau aussi des organisations œuvrant dans le domaine de l'enfance, pour qu'il y ait une forte sensibilisation sur le rôle du conseil de famille. Sinon, c'est remarquable que la population burundaise ignore le rôle de cet organe, alors que c'est vraiment une institution qui peut être garant des enfants orphelins. Je demande aussi à l'administration, à la base, de protéger ces enfants parce que c'est l'administration qui s'occupe de la protection de ces enfants. Et heureusement que nous avons aussi des élus locaux. Donc qu'ils fassent leur travail pour sécuriser ces enfants et leurs biens. David Ninganza, c'est le porte-parole de la Soge Paye, une des organisations œuvrant dans le domaine de défense des droits des enfants. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le ministre de l'Intérieur se dit satisfait des réalisations de l'année 2016 où de résolutions en faveur de la paix et de la sécurité ont été signées entre le gouvernement et les partis politiques et les confessions religieuses. Selon le ministre Pascal Barandagué qui présentait ce jeudi ce bilan, certaines décisions visant à renflouer les caisses des communes ont été prises alors que 500 000 litres de boissons prohibées ont été versés. Suivez le ministre de l'Intérieur Pascal Barandagué qui salue également le travail des comités mixtes de sécurité. Nous devons vous dire que nous sommes largement satisfaits de la façon dont les comités mixtes de sécurité humaine ont contribué au rétablissement de la paix qui est devenu aujourd'hui une réalité sur toute l'étendue du territoire national. Et en vue de mieux contrôler le mouvement de la population, des registres de population ainsi que des cahiers de ménage ont été mis en place jusqu'au niveau des collines et quartiers et les administratifs sont sensibilisés sur la façon de les compléter correctement et régulièrement. Et le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique a renforcé le dialogue entre d'une part le gouvernement et les partis politiques et d'autre part entre le gouvernement, la société civile et les confessions religieuses. À l'issue de ce cadre de dialogue, deux résolutions importantes en faveur de la paix et la sécurité ont été signées. Nous citerons ici à titre d'illustration la résolution à l'issue d'un atelier organisé à l'intention des partis politiques et des les politiques burundais. Un organe de régulation pour le bon suivi, le contrôle, l'agrément et le fonctionnement des confessions religieuses a été mis en place et est fonctionnel. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique a contribué à l'amélioration remarquable des finances communales par l'organisation des journées témoins de collecte des recettes communales à travers toutes les provinces du pays. Ces journées témoins nous ont permis de faire un double constat que les recettes communales sont mal perçues et que certains marchés ont été vendus à vil prix aux particuliers, souvent à moins de 20% du coût réel. À titre d'exemple, un marché qui devait verser 60 millions de francs par mois ne versait que 9 millions de francs par mois. Pour ce faire, nous avons formellement interdit la vente des marchés encore dans les mains des communes en attendant l'ajustement des loyers parvenant à certains contrats ou les résiliations faute d'entente à l'amiable. Dans la lutte contre les boissons prohibées, une grande sensibilisation de la population sur les méfaits de ces boissons à la santé humaine et au développement intégral a été opérée. Des campagnes de lutte contre ces boissons ont été opérées en collaboration avec tous les acteurs concernés. Ainsi, plus de 500 000 litres de boissons prohibées ont été versés. Dans chaque commune, environ 50 hectares des arbres ont été plantés et sous l'instruction et la sensibilisation du ministère de l'Intérieur. Pascal Barandaguié, c'est le ministre de l'Intérieur. Ses propos ont été recueillis par Placide Niyomongere. Un certain enseignant du lycée communal Mouboné en commune Kabézi de la province Bujumbura a été arrêté sur le lieu du travail ce lundi par les forces de l'ordre. Selon les informations qui nous parviennent de Mouboné, il est accusé d'avoir couché avec une élève et venait de passer plus de 3 semaines en cachette par peur d'être arrêté. Entre-temps, cette fille finaliste qui accuse cet enseignant de l'avoir engrossé a déjà été renvoyée de l'école. Éducation toujours, avec la Commission nationale chargée du redéploiement des enseignants en collaboration avec le comité provincial de l'éducation à Rumonge qui a procédé depuis hier à un nouveau redéploiement dans cette province. Les enseignants concernés, les représentants syndicaux se lamentent que les cas sociaux n'ont pas été considérés comme mentionnés dans les critères. Pour plus de détails, nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misago. Le lycée urbain dans la ville de Rumonge a été la première cible avec 5 enseignants et 6 encadreurs redéployés. Pour certains de ceux-là redéployés, c'est une décision injuste car selon eux, les arguments qu'ils avaient évoqués pour être recevables lors des recours restent valables, notamment l'infirmité, les maladies chroniques. Le syndicat STEB en province de Rumonge fait la même lecture. Selon son représentant provincial, le président de la commission nationale chargée du redéploiement a annulé les recours que sa commission avait traités favorablement, alors que sa mission à Rumonge ne se limitait qu'à la levée des cas d'injustice dans le redéploiement et à la vérification de l'exécution du redéploiement. Le représentant syndical menace même de se retirer de la commission provinciale chargée du redéploiement si son nouveau redéploiement se poursuivait. De son côté, Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge et président du comité provincial de l'éducation, toutes les écoles, surtout celles de la ville de Rumonge, celles des centres ou celles situées sur les grands axes de circulation, doivent être visitées et désengorgées au profit des écoles des coins enclavés. Et l'enseignant redéployé n'a jusqu'à une semaine pour s'exécuter. Avec ce nouveau redéploiement, certaines écoles espèrent récupérer les enseignants qu'elles avaient perdus après le redéploiement, et cela contrairement à la loi, des écoles à qui l'autorité scolaire exigeait ensuite de bons rendements dans cette jeune province classée dernière au niveau national dans les concours des 9e et 10e années de l'année scolaire écoulée. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Dorumongue. Nous nous rendons à Ngozi. Presque le cinquième des superficies maraîchères de la province Ngozi ont été aménagées par le programme de développement des filières ProDéfi. Et cela a permis l'augmentation sensible du rendement où la production rizicole a été multipliée par 4 dans les marais. La population d'Ngozi est donc invitée à sauvegarder ces marais en vue de lutter contre la famine. Apollinaire Monzagara. La province Ngozi compte environ 14 000 hectares de marais, dont la plupart sont exploités par la population. Elle y pratique différentes cultures, dont le riz, le haricot, le maïs, les légumes et autres. La direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage indique que la population ne tire pas suffisamment profit de ces marais, surtout pour ceux qui ne sont pas aménagés. Cela a poussé le programme de développement des filières ProDéfi à aménager certains de ces marais. Le ProDéfi en a déjà aménagé environ 3 100 hectares dans cette province. David Zissabira, coordonnateur régional du ProDéfi, indique que les marais aménagés sont beaucoup plus productifs que ceux qui ne le sont. Il donne l'exemple du riz ou la production quadruple dans ces marais. Les responsables de la DPA Ngozi invitent à cet effet population donc aussi à entretenir régulièrement ces marais en vue de faire face à la disette qui se parle ces jours-ci dans cette province. Cela se dit au moment où le monde entier célèbre ce jeudi la journée mondiale dédiée aux marais. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganis. Merci Apollinaire. Même si l'exploitation des marais donne une grande production agricole, les conséquences se révèlent énormes à la longue. Le directeur général de l'eau, Emmanuel Ndolimana, explique que ce sont ces aménagements qui provoquent l'assèchement des nappes phréatiques. Suivez-le. D'abord, une zone humide, c'est une partie autour d'un lac, autour des rivières, qui regorge de l'eau en permanence, qui regorge de la biodiversité des animaux, des végétaux. Concernant l'importance des zones humides, c'est le réservoir de la biodiversité. En plus, c'est un réservoir d'eau souterraine, c'est-à-dire que la nappe phréatique est là. En plus, ça aide à protéger les berges des rivières. Parce qu'il y a des arbres, ça retient les talus des rivières. Pour le moment, on ne peut pas dire que ces zones humides sont protégées. Parce que avant, on avait beaucoup de zones humides. Tous les marais que nous voyons ici dans le pays étaient des zones humides. Tous les marais aménagés, les marais exploités étaient des zones humides. Mais avec la pression démographique que nous voyons dans notre pays, les zones humides ont cédé la place aux cultures. Là, alors, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème de diminution des zones humides, c'est-à-dire que la diminution du niveau de l'eau. Quand on fait l'aménagement d'une marée ou d'une zone humide, c'est-à-dire que l'eau qui était dans cette zone humide est déversée dans une rivière. Quand l'eau arrive dans une rivière, vous voyez, si nous sommes dans le bassin du Nil, l'eau est acheminée jusqu'en Égypte. C'est les déchets qui bénéficient de la richesse de nos sols. Là, on produit en grande quantité. Alors que ici au Burundi, nous avons un problème. En actualité internationale, le président zimbabwéen Robert Mugabe n'apprécie pas la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, car à ses yeux, cela dénote le manque d'idéologie de certains leaders du continent. De retour dans son pays, Mugabe a déclaré que l'argent des Marocains a eu raison des principes et des idéologies. Selon lui, le Maroc a manœuvré pour retrouver son siège depuis longtemps en construisant des mosquées et en donnant de l'argent. Le président Mugabe a soutenu que l'Afrique australe continuera à se battre pour assurer l'indépendance de la République arabe saharoui démocratique en territoire que l'ONU considère comme la dernière colonie en Afrique. Nous croyons aux règles et nous espérions que le Maroc allait déclarer au moins qu'elle renonce à ses velléités expansionnistes, a-t-il ajouté. Enfin, un chien qui avait causé la mort du fils du président gambien Adama Barrow a été tué par injection mortelle. Le jeune Abibou Barrow, âgé de 7 ans, est mort le 15 janvier alors que son père était accueilli au Sénégal en attendant son investiture le 19 janvier dernier. L'entourage de M. Barrow avait affirmé que son fils Abibou, né en 2010, était décédé à la suite de morsures de chien sans explication sur les circonstances du drame. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Toussaint Mitevouti pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.